Leçon 4, page 38. Les journaux intimes envahissent aujourd'hui l'Internet. Le cher journal intime, autrefois si secret, est désormais livré au public, destiné à être partagé avec d'autres. Pourquoi ce désir de partage ? Pour être moins seul, peut-être ? Témoignage. En fait, j'ai toujours aimé les mots, les phrases. C'est d'abord le plaisir d'écrire. J'ai besoin de la pression du public pour me formuler, pour me mettre en mots, pour ne pas seulement effleurer mes pensées, pour ne pas noter que des choses superficielles. Mon journal sur le net, livré au regard des autres, m'aide à savoir qui je suis et ce que je veux. Pour moi, le plus important, ce sont les réponses qu'on m'apporte. Elles m'aident à aller plus loin. J'ai absolument besoin d'entendre les commentaires. Oui, je suis à la recherche de conseils, de points de vue. Ce que les autres en pensent, quoi. En publiant ainsi mon journal sur le net, j'ai le sentiment de faire partie d'une communauté de gens qui me comprennent, qui partagent des choses avec moi. Je réponds ainsi à une dizaine de mails tous les jours. Tu sais, le grand moment pour moi, c'est quand on a décidé de tous se retrouver, d'aller de l'autre côté de l'écran. Ça a été incroyable. Beaucoup sont devenus de bons amis. Quelques-uns sont devenus des amis très proches. C'est mon cas.